les mains. Tu veux mon kiki bébé, viens le chercher bébé. Tu veux mon kiki bébé, je vais t'attraper bébé. Tu veux mon kiki bébé, viens le chercher bébé. Tu veux mon kiki bébé, je vais t'attraper bébé. 06 ou 07, les mots à l'appel bébé. On y capuche la moselle, un beau copus de bébé. 06 ou 07, les mots à l'appel bébé. On y capuche la moselle, un beau copus de bébé. Mana Doko Cavani, dès qu'un juillet il cavali. Mais pas courir derrière, non, moi on y est qu'à cavaler. Envoie au chat, prends ton chat, un Snapchat. Moi papa, envoie au chat, prends ton chat, un WhatsApp. Avant qu'on ait de babaye. Il veut son capote, attends. Chichi la capone, aussi en kiké fun. Faut que sous ses fonds compone. Comment c'est fait ses shots, j'ai bien compagné à hot. Il déjà prend l'autre. 06 ou 07, réponds à l'appel bébé. On y capuche la mentelle, un beau focus de bébé. 06 ou 07, réponds à l'appel bébé. On y capuche la mentelle, un beau focus de bébé. Tu veux mon kiki bébé, viens le chercher bébé. Tu veux mon kiki bébé, je vais t'attraper bébé. Tu veux mon kiki bébé, viens le chercher bébé. Tu veux mon kiki bébé, je vais t'attraper bébé. Ça fait l'hypopète, il souffle à d'un contre bête. Femme à jabouin, il vient pour bête. Ça perd l'hypopète, avec tout ça, j'en viens wet. Il vient pour nous faire galipette. Ce soir, baby, j'te fais ta fête. Chercher bébé, tu veux mon kiki bébé, je vais t'attraper bébé, tu veux mon kiki bébé, viens le chercher bébé, tu veux mon kiki bébé, je vais t'attraper bébé. Ouvrez le kiki bébé.